Je suis, en anglais, se dit I am. Je, I. Suis, am. Am s'écrit A-M. I, ça s'écrit tout simplement avec un I. Et c'est un I qui a toujours une majuscule. I am. Je suis. Et je ne suis pas. I am not. I am not. Sur. Sur. S-U, accent circonflexe. R. En anglais, se dit sure. Et ça s'écrit S-U-R-E. Sure. Alors, c'est sûr? It's sure. Once more. It's sure. Right. It's sure. Je suis sûr. I am sure. I am sure. Je ne suis pas sûr. I am not sure. Right. I am not sure. Vous êtes, tu es, vous êtes. Alors, un petit bonus ici. Tu et vous, en anglais, c'est la même chose. Et c'est you. Vous êtes ou tu es, se disent you are. You are. Are s'écrit A-R-E. You are. Vous êtes, tu es, vous êtes sûr, tu es sûr. You are sure. You are sure. Et pour poser la question, êtes-vous, on dit, are you? Êtes-vous sûr? Are you sure? Are you sure? Oui, je suis sûr. Oui, oui, c'est yes. Et non, c'est no. No. Non. No. No. Mais pas. Not. Bravo. Non, je ne suis pas sûr. No, I am not sure. No, I'm not sure. Je suis content. I am glad. Glad. Glad. Content, contente. Glad. Glad s'écrit G-L-A-D. Glad. Ici, une petite note à propos des adjectifs en anglais. Ils ne s'accordent pas. Donc, pour le masculin et le féminin, c'est pareil. Hein, en français, on a content, contente. En anglais, c'est toujours pareil. Un autre bonus. Comment dit-on « je suis content, je suis contente » C'est la même chose en anglais. I am glad. I am glad. I am glad. Ou bien, avec la contraction, I'm. I'm. Alors, je suis content avec la contraction. I'm glad. Bien, I'm glad. Êtes-vous content ou êtes-vous contente ou es-tu content ou contente? Are you glad? Are you glad? Pour dire « je regrette » en anglais, on dit « je suis désolé ». I am sorry. Je suis désolé. I am sorry. Je regrette. Sorry s'écrit S-O-R-R-Y. Je suis I am. Sorry, désolé. Je suis désolé. I'm sorry. Et mais, en anglais, se dit but. But. Alors, je regrette, mais je ne suis pas sûr. I sorry, but... once more. I'm sorry. I am sorry. I'm sorry. I'm sorry. But I'm not sure. Right. I'm sorry, but I'm not sure. Yes. Alors, quel est le mot pour non? Not. Non. Not. C'est pas. Non? Ah, no. Once more. Ah, no. No. No. No. No s'écrit comment? N-O. N-O. C'est la même prononciation que pour le verbe know. I know. Je sais. Je sais. Je sais. I know. Know s'écrit K-N-O-W. Alors, I know, je sais. Le mot pour où est where. Where. Where. Where s'écrit W-H-E-R-E. Where. W-H-E-R-E. Where. Je sais où c'est. Je sais où c'est. I know where it is. Right. I know where it is. I know where it is.